إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 50. Numéro 50 dans la série des cours sur l'explication du livre Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat wa Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan qui s'intitule Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. On est arrivé à la page 352 dans le volume 1 et on est au passage numéro 187. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit: wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Wa qad rawa Muslim fi sahihih an al-Ala ibn Abd al-Rahman an abihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. Donc ça c'est un verset dans Surat al-Baqarah, le verset 284. Al-Ayah. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc le Cheikh il mentionne la partie du verset de Surat al-Baqarah 284 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera des comptes, puis il pardonnera à qui il veut, il châtiera à qui il veut et il est omnipotent, il a le pouvoir sur toute chose. Donc il a mentionné Cheikh al-Islam ce verset là il dit qu'il a été rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Al-Ala ibn Abd al-Rahman, selon son père, selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit que lorsque ce verset a été révélé sur le messager d'Allah, hein, c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le verset Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, la signification, hein, c'est Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wa in tubdu ma fi anfusikum, si vous montrez, hein, vous divulguez ce qui est en vous-même, aw tukhfuhu, ou bien vous le cachiez, yani yuhasibukum bihi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander des comptes pour ça quand même. Eh bien les sahaba ont trouvé ça difficile à accepter. Dur. Ils ont trouvé ça très dur. Alors, ils sont allés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont mis assis devant lui et ils ont dit, ô messager d'Allah, on nous a donné comme obligation ce qu'on était capable de faire. Par exemple, la salat, le jeûne, le djihad, sadaqa, l'aumône, toutes ces choses-là, on est capable de le faire. On a été capable de le faire jusqu'à maintenant. Mais maintenant, un verset a été révélé sur toi, le verset 284 dans Surat al-Baqarah, et il dit, celui-là, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le... Celui-là, c'est trop dur. On ne peut pas. Même si vous cachez si vous divulguez ou si vous cachez, Allah va vous demander des comptes. Ils ont trouvé ça dur. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, est-ce que vous voulez dire la même chose que ce qu'ont dit les gens des deux livres avant vous, c'est-à-dire les gens de la Torah et les gens de l'Injil? Vous voulez dire comme eux, ils ont dit, nous entendons et nous désobéissons? Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dites plutôt, nous entendons et nous obéissons, nous te demandons ton pardon, ô notre Seigneur, et c'est vers toi que sera le retour. Donc, le prophète Sansom a dit de dire ça. Et les sahabes ont dit ça. Ils ont dit, nous écoutons et nous obéissons. Nous te demandons pardon, notre Seigneur, et c'est vers toi que nous retournons. لما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على ما كان قبلنا على من كان قبلنا. Donc le cheikh explique, il dit que lorsqu'ils ont dit cette parole, nous écoutons et nous obéissons, et que leur langue s'est humiliée à Allah subhanahu wa ta'ala en disant ça, en demandant pardon et en acceptant d'écouter et d'obéir, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite un autre verset qui signifie, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants, c'est-à-dire les sahaba, ceux qui ont cru après. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Quand ils ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé le verset qu'il a mentionné au début, que wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, même si vous divulguez quelque chose ou que vous le cachiez en vous-même, Allah va vous demander des comptes pour ça. Allah a abrogé ce verset-là et il a révélé à la place les versets suivants. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah n'incombe à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait punie du mal qu'elle aura fait. D'accord ? Après, il dit... Ensuite, il dit, « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Allah a dit à ça, il a dit, « Oui. » Il a dit, « Oui. » Ça dit, « Je ne vais pas vous châtier. Hein? » Pour qu'est-ce que vous faites par erreur. C'est ça. « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » Donc, qu'est-ce qu'on fait par oubli ou par erreur? Allah, il ne nous châtie pas pour ça. Il a dit oui, donc. « Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. » Il a dit oui. Ça aussi, il a accepté. Et ensuite, « Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. » Efface-nous nos fautes et pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous donc la vérité sur les peuples infidèles. Il a dit, encore une fois, oui. Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait averti les croyants de prendre les ordres d'Allah avec refus, de la même manière que les gens du livre précédent. Les juifs et les chrétiens, quand ils ont reçu l'ordre d'Allah, ils ont dit, nous entendons et nous désobéissons. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a avertis. Ne faites pas comme eux. Dites, j'écoute et j'obéis. Et donc, ils ont dit, nous écoutons et nous obéissons. Et pour les récompenser et pour les remercier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé les difficultés et les carcans qu'il avait mis sur eux, qu'il avait mis sur ceux qui étaient avant, qui ont vécu avant nous. Donc ça c'est un point très très important, et ça fait partie du fait qui confirme et qui prouve qu'on n'a pas le droit d'imiter les peuples qui nous ont précédés. C'est une des preuves qui confirme qu'on n'a pas le droit d'imiter les koufars. Et le cheikh, il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, il explique ça, ce passage-là. Il dit, « Al-Maqsoud, anna hadha naw'un akhar min at-tashabburi alladhi nuhina anhu, wa huwa anna al-Yahud wa al-Nasara kanu yatalaqawna awamir Allah wa awamir rusulihi bit-tathaquli wa-t-tabatu'i wa-li-i'tirad al-barida. » فأراد الله أن يمتحن هذه الأمة في كيفية تلقيها للأوامر هل تكون مثل الأمم السابقة أم لا فأنزل الله هذه الآية امتحانا لهم وهي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فذكر الله أنه يحاسب العبد على ما يحدث به نفسه ولو لم يعمل به فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كانوا يبادرون إلى العمل بما جاء في القرآن والسنة فإذا نزل عليهم شيء من أمر أو نهي امتثلوه ولكن لما نزلت عليهم هذه الآية شقت عليهم لأن أحدا لا يسلم من التفكير والحديث النفسي الذي في القلوب وهذا شيء يعرض على Donc le cheikh il dit, le but ou le point qu'on veut expliquer ici, c'est une autre catégorie des ressemblances qu'on peut avoir avec les gens qui nous ont été interdits d'imiter, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et lorsqu'ils recevaient les ordres d'Allah et les ordres de ses messagers, ils les prenaient comme si c'était quelque chose de très lourd et ils prenaient beaucoup de temps avant de les mettre en application. Donc ils étaient là dans l'application et ils avaient beaucoup d'objections à ce que Allah ordonnait. Le meilleur exemple de ça, c'est l'exemple de Moussa alayhi salam lorsqu'il leur a ordonné de sacrifier la vache. Vous avez plein d'exemples de ce genre dans le Coran. Exactement. Beaucoup d'objections, ils ne voulaient pas, et ainsi de suite, commencer à demander plein de détails. Et donc ça c'est un exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala, plus il s'objectait, plus il rendait la religion difficile pour eux. Tandis que les sahaba, c'est le contraire. Chaque fois qu'un ordre d'Allah descendait, il le mettait toujours en application. Et il le mettait toujours en pratique. Sauf, hein, le cheikh il dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tester les musulmans, les sahaba et les gens de cette umma, pour voir comment ils allaient accepter les ordres que Allah leur donne. Et est-ce qu'ils allaient être comme ceux qui, hein, ont vécu dans les nations précédentes ou non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset pour tester les croyants, et c'est le verset 284 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et si vous divulguez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander des comptes pour ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset qu'il va demander des comptes même pour qu'est-ce que tu dis en toi-même, hein, même si tu n'as pas mis ces choses-là en application. Donc vous imaginez, le simple fait que tu as une tentation ou une idée ou une suggestion de ton âme ou une pensée mauvaise, hein, même si tu l'as pas fait l'action, yani, tu vas être jugé pour ça quand même. Donc qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est arrivé? Les sahabes ont trouvé ça très très difficile. Pourquoi? Parce que chaque fois que les sahaba recevaient un ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une action ou une parole, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, lorsque quelque chose était révélé, hein, dans le Coran ou dans la Sunna, que ce soit un ordre ou une interdiction, ils le faisaient et ils l'appliquaient tout de suite. Ils n'attendaient même pas, tout de suite ils le pratiquaient. Mais lorsque ce verset-là en particulier a été révélé, ils l'ont trouvé difficile. Verset 284, ils ont trouvé ça trop difficile. Parce que personne n'est exempté de penser. Personne n'est exempté d'avoir des idées ou d'avoir des suggestions dans son cœur ou des désirs. Et ça arrive à tout le monde parmi nous. Hein? Donc le cheikh il dit: فَإِذَا كَانَ اللَّهُ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ سَيُهْلَكُونَ فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقِينَ وَجَثُوا عَلَى الرُّكَبِ وَقَالُوا كُلِّفْنَا مَا لَا نُطِيقُ كُلِّفْنَا مَا نُطِيقُ فَصَبَرْنَا وَأُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنَّهَا نَزَلَتْ عَلَيْكَ آيَةً لَا نُطِيقُهَا فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا كما قال من كان قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا. Donc le cheikh il dit que lorsque ils ont dit on va être jugé même pour les idées et nos pensées et nos désirs qu'on a à l'intérieur de notre cœur, même si on le fait pas, alors ils ont dit ça, on n'est pas capable, on va périr, hein, on va périr. Alors ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont jetés à genoux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ils ont dit: ô messager d'Allah, on nous a donné comme responsabilité, comme devoir religieux, des choses qu'on pouvait faire, et on a été patient. On a fait la salat, on a fait la zakat, on a fait le jeûne, on a fait la sadaqa, on a fait le jihad, et ainsi de suite. On a été patient, on les a fait. Maintenant, un verset a été révélé, et ce verset-là, on n'est pas capable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés, et leur a dit: voulez-vous dire comme ceux qui ont vécu avant vous, nous entendons et nous désobéissons? Dites plutôt, nous entendons et nous obéissons. Sami'na wa ata'na. Ça c'est l'attitude du mu'min. Le musulman, c'est comme ça qu'il doit agir. Nous entendons et nous obéissons. Et comme on dit, les sahaba, eux, chaque fois qu'un verset était révélé, ils n'attendaient pas une semaine ou deux jours ou trois jours pour l'appliquer. Ils l'appliquaient tout de suite, sur le champ, immédiatement. Donc ça, c'était comme ça qu'étaient nos salaf al-salih. Ils appliquaient les ordres d'Allah sur le champ, tout de suite. Ils entendaient une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le faisaient. Ils entendaient un verset dans le Coran qui venait d'être révélé au messager d'Allah. Juste le messager d'Allah, il le reçoit comme révélation, il le récite aux sahaba, eux, tout de suite, ils le mettent en application, subhanallah. Comme par exemple le hadith, le verset qui est révélé au sujet du hijab, hein, les femmes, pour l'habit des femmes. Dans l'explication du hadith, quand tu lis l'explication du hadith, ça dit les femmes, quand on leur a récité, hein, parce que le verset a été révélé sur le hijab, il dit tous les hommes qui étaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu le verset, ils sont partis dans leur maison pour aller réciter le verset à leurs femmes. Il dit automatiquement, quand ils entendaient le verset, elles prenaient des morceaux de drap ou des vêtements qu'ils avaient ou des tissus, puis elles se couvraient avec tout de suite. C'est pas quelque chose que ça a pris 50 ans, 60 ans pour que ça commence à s'appliquer. Non. C'est exactement. C'est quelque chose, quand c'est révélé, pour eux, il n'y avait même pas de discussion. Il n'y avait même pas de débat. Hein? Donc c'est comme ça. Non. Une fois, il y a un cheikh qui est venu à Montréal. Il dit, est-ce que vous me croyez si je vous dis que si la Oumma, elle veut, elle peut changer du jour au lendemain? Il a dit, le cheikh, hein, est-ce que vous me croyez si je vous dis ça, que la Oumma, du jour au lendemain, elle peut changer? Après, il m'a dit, voici la preuve de ce qu'elle peut changer du jour au lendemain, je vous donne la preuve. Quand c'est le Ramadan qui rentre, tu vois, hier, les gens, hein, ils prient pas, ils mangent, et des fois, ils font des péchés. Le lendemain, Ramadan commence, ils arrêtent tout de suite. Hein? Donc ça, c'est la preuve que s'ils veulent, ils peuvent changer comme ça du jour au lendemain. La Oumma est capable. Donc c'est pour dire, c'est une question de foi. Ok? Il a donné cet exemple-là quand il est venu. Non. Donc, le cheikh, il dit ensuite, فعند ذلك استسلم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية وآمنوا بها وعملوا وتركوا الاعتراض فأنزل الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أي بامتثالهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حيث قالوا سمعنا وأطعنا وإن كان الأمر غير مألوف لهم وفيه مشقة ومع ذلك استجابوا واستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand les sahabas se sont soumis, hein, parce que l'islam c'est ça, l'islam c'est la soumission, hein, donc ils se sont soumis, ils ont dit nous entendons et nous obéissons. Donc du moment qu'ils se sont soumis et qu'ils ont cru et qu'ils ont mis en application les ordres d'Allah et qu'ils ont abandonné l'objection, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset. Le messager a cru en ce que Allah a révélé sur lui, hein? Ainsi que les croyants. C'est-à-dire les croyants, eux aussi, ils ont cru en ça. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et nous ne faisons aucune différence ou distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous entendons et nous obéissons, nous te demandons pardon, notre Seigneur, et c'est vers toi que sera le retour. Donc, en mettant en application la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a dit, écoute, nous écoutons et nous obéissons, eh bien, même si l'affaire ils l'ont trouvé dure, même si l'affaire ils l'ont trouvé difficile, malgré tout, ils ont accepté de répondre et de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ تَرْبِيَةً تربية من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن لا تفعل فعل أن لا تفعل فعل الأمم السابقة فتتباطأ في الاستجابة لأمر الله وإنما تنصاع لحكم الله وترضى وإن كان فيه ثقل على النفس فإنها إن فعلت أو إن فعلت جاء التخفيف فأنزل الله يعني إن فعلت جاء التخفيف فأنزل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فنسخ الآية وهي قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وأرشد عباده إلى أن يسألوه التخفيف بدل أن يعرضوا فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني إصرا يعني حملا وثقلا ها وثقلا يعني كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاستجاب الله لهم في كل ما سألوه donc le cheikh il dit et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre ça comme une éducation pour eux pour cette umma de pas faire comme les nations précédentes ont fait hein, et de pas être là à répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala mais plutôt de se soumettre et de répondre et de mettre en application le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être satisfait même s'il y a quelque chose de lourd dans l'ordre pour quelque chose dans ça qui est lourd pour l'âme parce que si tu le fais c'est là que Allah va alléger hein, la charge pour toi et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le verset justement qui dit ne nous fais pas porter une charge hein, qui en est que notre âme ne peut pas porter c'est, elle aura la récompense pour qu'est-ce qu'elle fait de bien et elle sera punie pour qu'est-ce qu'elle a acquis comme péché et il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit oh notre Seigneur il nous enseigne comment l'invoquer yani. Hein? Notre Seigneur ne nous prend pas pour compte pour les choses qu'on a oubliées ou dans lesquelles on a fait une erreur. Donc, ensuite, le cheikh il dit, il a abrogé donc le verset 284 dans lequel il disait que si on faisait, hein, on divulguait qu'est-ce qu'on a en nous-mêmes ou qu'on le cachait, Allah allait nous juger pour ça quand même. Hein? Eh bien, il a orienté ses serviteurs plutôt, au lieu de s'objecter à l'ordre et de dire non, on n'aime pas cet ordre-là, on n'est pas d'accord, c'est trop dur, c'est trop difficile. Non, t'as pas besoin de dire ça. La seule chose, qu'est-ce que t'as besoin de faire? T'as juste à demander à Allah d'alléger, hein, d'alléger. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Tu dis, hein, donne-nous quelque chose qui est plus facile à faire. C'est-à-dire, il ne nous tient pas pour compte si on oublie ou si on fait une erreur, ne nous fait pas porter une charge ou un poids trop lourd, hein, ou lourd comme celui que ceux qui ont vécu avant nous ont dû porter. Et ô notre Seigneur, il ne nous fait pas porter une charge qu'on n'est pas capable de porter. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a exaucés. Il leur a répondu dans tout ce qu'ils ont demandé. فالحاصل أنهم لما استسلموا لله أو لأمر الله ثم سألوا ربهم التخفيف استجاب لهم ونسخ الآية التي تتضمن ونسخ الآية التي تتضمن أن الإنسان يؤاخذ بما أخطأ فيه أو نسيه أو حدث به نفسه من غير أن يتكلم أو يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لطف من الله عز وجل وتيسير منه، ولكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين: الأمر الأول الامتثال والاستسلام لأمر الله عز وجل وعدم الاعتراض، والأمر الثاني دعاء العباد ربهم أن يخفف عنهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم، وأن يعفو عما حصل أو يعفو عما حصل من الخطأ والنسيان. Donc le cheikh il dit, donc le résultat, hein, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu et il a abrogé le verset précédent qui indique ou qui implique que l'homme serait pris pour compte pour ses erreurs ou pour ses oublis ou pour qu'est-ce qu'il s'est dit à lui-même dans son âme, même s'il ne l'a pas dit, même s'il ne l'a pas fait, du moment qu'il l'a pensé, hein, il serait puni pour ça. Donc, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que Allah, hein, passe par-dessus l'erreur et l'oubli de la umma. Il dit inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayh. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas tenir compte des choses que la umma a fait par erreur ou par oubli ou qu'est-ce qu'elle a fait sous la contrainte. Par 285, 6 exactement, jusqu'à la fin du surat al-Baqarah. Naam. Donc ça c'est un verset, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par ou selon Ibn Majah, selon Abi Dharr. Ça dit Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus, c'est-à-dire il ne va pas tenir compte des erreurs qui ont été faites ou de l'oubli ou qu'est-ce qui a été fait sous la contrainte. La contrainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire on t'a forcé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. On t'a forcé sous la menace. Hein? On t'a dit si tu ne le fais pas là, ça y est, on te tue. Hein? Puis toi, tu ne l'as fait pas parce que tu voulais le faire, hein? Mais parce que tu ne voulais pas mourir. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne seras pas puni si tu, pour ça. Naam. Et ensuite, il donne un autre hadith. Ça, c'est un hadith aussi très important. Le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas tenir compte de ce que les gens dans cette umma se sont dit en eux-mêmes, dans leur cœur, tant qu'ils ne l'appliquent pas et tant qu'ils ne le disent pas. Donc, tant qu'un musulman, il a des pensées mauvaises en lui-même, mais qu'il n'a pas parlé, il n'a pas agi selon ces pensées-là, il ne sera pas puni. Il ne sera pas tenu pour compte. D'accord ? Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Donc, si tu as des mauvaises pensées en toi-même, ou si tu as des mauvaises idées en toi-même, essaie de ne pas les dire et de ne pas les mettre en application. Comme ça, Inch'Allah, tu ne seras pas puni. Et ça fait partie des exemples de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et comment Allah subhanahu wa ta'ala leur fait miséricorde en leur facilitant les choses dans la religion. Il dit, mais pour avoir cette facilité et cette douceur, cette miséricorde d'Allah, il faut que ça soit fait après avoir respecté deux choses. Première chose, c'est que tu mets en application l'ordre d'Allah et tu te soumets à son ordre. Et tu ne t'objectes pas. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que tu dois invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, pour qu'il allège la charge pour toi et qu'il ne te fasse pas porter une charge qui dépasse ce que tu as comme capacité et qu'il t'épargne, qu'il te fasse preuve de miséricorde et de pardon envers ce que tu as pu commettre ou faire comme péché ou comme faute par erreur ou par oubli. Mais oui, parce que tu t'objectes à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'âme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour montrer, exprimer sa miséricorde, sa douceur. Il y a des exemples de versets comme ça. Je ne sais pas si vous êtes familier avec un verset de ce genre dans Sourate Al-Anfal. Regarde le verset 65 et 66 dans Sourate Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô prophète, il dit ce qui signifie, ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Donc on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il avait ordonné de combattre un ennemi qui est, yani, 10 fois plus nombreux que le nombre des musulmans. Ça c'est au début. 10 fois plus nombreux. Et donc dans ce cas-là, ils n'auraient pas le droit d'avoir peur ou de se détourner du combat devant une armée qui est 10 fois plus grande que celle des musulmans. Mais maintenant, regardez, dans le verset suivant, il vient abroger le verset précédent. Il dit, maintenant Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous, et s'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200, et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Donc c'est pour dire qu'il l'a baissé de 10 fois à 2 fois. Et ça c'est pourquoi? C'est pour montrer la miséricorde d'Allah. Et comment il fait miséricorde à ses serviteurs en allégeant la religion pour eux. Hein? Et en la rendant plus facile. Hein? Et pour montrer sa miséricorde envers ses serviteurs. Donc ça aussi c'est un autre exemple d'abrogation. Ok, al-nasr, on appelle ça al-nasr. Al-nasr ou al-mansour. Al-nasr, c'est l'abrogeant, puis al-mansour, c'est qu'est-ce qui est abrogé. Donc dans le verset 284, il est al-mansour. Il est mansour, il est abrogé. Et al-nasr, c'est les versets 285 et 286 qui viennent après. D'accord? Et donc le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il a révélé Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na Rabbana la tuhammilna wa la tuhammilna ma la Rabbana wa la tuhammilna ma la Rabbana wa la tuhammil alayna Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قال الله عز وجل قد فعلت لأن هذا دعاء والله جل وعلا قد وعد الإجابة على الدعاء وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال قد فعلت donc il dit on récite donc le verset dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne à comment l'invoquer et comment lui demander. Et donc, il dit, hein, on dit, Rabbana la tu'akhidna, c'est-à-dire, ô Allah, notre Seigneur, ô notre Seigneur, ne nous prends pas pour compte pour ce qu'on a fait par oubli ou par erreur. Notre Seigneur, ne nous fais pas porter un poids, hein, comme ceux qui ont vécu avant nous ont porté, c'est-à-dire quelque chose qui était trop lourd pour nous. Et il dit, oh notre Seigneur, ne nous fais pas porter qu'est-ce qui est au-dessus de notre capacité. Et fais-nous preuve de miséricorde et pardonne-nous. Et fais-nous miséricorde c'est toi notre maître, yani, aide-nous contre les peuples mécréants. Donne-nous la victoire contre les peuples mécréants. Et à la fin de cette invocation-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qad fa'alt ». C'est-à-dire, je l'ai fait, je l'ai exaucé. Comme c'est mentionné dans la narration, dans Sahih Muslim, à la fin de cette invocation-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de répondre à l'invocation, il a dit, après cette invocation-là, « Qad fa'alt », c'est-à-dire, je l'ai fait. Naam. Donc, ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue donc son explication, puis il cite un verset. Naam. Donc il dit, وقال الله في صفته, قال الله في صفته صلى الله عليه وسلم, ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب دعاءهم. وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن يؤتى معصيته. أي نعم أن يؤتى معصيته نعم يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن يؤتى معصيته وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال وزجر أصحابه عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة وقال فيما يعيب أهل الكتاب ويحذر موافقتهم يحذر موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع وهذا باب واسع جدا. Donc le cheikh il dit, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le décrire, il dit il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable et leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Et c'est ça le point que le cheikh Ibn Taymiyyah il a mentionné après, il a dit et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Donc pour décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit il leur enlève, à propos des gens du livre, il leur enlève le fardeau et le joug qui étaient sur eux. Et donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur enlève le fardeau et le joug qui étaient sur les gens du livre. Hein? Et donc il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les croyants et il leur a, Allah subhanahu wa ta'ala informe les croyants que le messager sallallahu alayhi wa sallam que le messager sallallahu alayhi wa sallam vient donc pour leur enlever ce fardeau là et ce joug là et qu'il a exaucé leur invocation. Et donc ça c'était pour enlever le joug et le fardeau qu'ils avaient par rapport aux obligations qu'ils avaient dans leur religion et aux interdictions aussi qu'ils avaient dans leur religion, c'est-à-dire les gens du livre. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on prenne ses permissions, ses rukhas. Le mot en arabe rukhas, c'est le pluriel du mot rukhsa, Rukhsa, rukhsa qui veut dire une permission. Hein? Une permission. Des fois, on utilise le terme rukhsa, rukhsa tussiyaqa, le permis de conduire. Al-rukhsa, en arabe, dans le sens de la religion, ça veut dire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme permission. Ok? Et donc, Allah, il aime qu'on prenne ses permissions. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis dans le voyage, hein, alors qu'en temps normal, c'est pas nécessairement, c'est pas permis, rukhsatun. Ra, hein, kha, sad, et tamarbota. Rukhsa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans le voyage, il nous a permis de rassembler les prières de Asr ensemble, de Asr avec Dhuhr, Dhuhr et Asr, et Maghrib et Isha. On peut les rassembler. On peut soit les rassembler en les avançant ou en les retardant. Et, c'est-à-dire faire le Dhuhr et l'Asr dans le temps de Dhuhr ou dans le temps de Asr. Ou de faire Maghrib et l'Isha dans le temps de Maghrib ou dans le temps de Isha ensemble. Et il nous a également permis de faire les prières qui ont 4 rak'at en 2 seulement. Donc au lieu de faire 4 rak'at, on va faire 2 rak'at seulement. Ça c'est des rukhas. Ça fait partie des rukhas. Rukhsa. Hein? La même chose, quand on fait le wudu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis, au lieu de laver nos pieds à chaque fois quand on fait le wudu, de passer les mains mouillées sur le dessus de nos chaussettes. Hein? Et de ne pas avoir à enlever les chaussettes au complet pour laver tout le pied à chaque wudu. Hein? Mais avec condition qu'on les ait lavées une fois avant de porter nos chaussettes et pendant une durée de 24 heures. Donc, ça c'est une rukhsa aussi. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on prenne ses rukhsa de la même manière qu'il déteste qu'on fasse ce qu'il nous a interdit. Il aime qu'on fasse qu'est-ce qu'il nous a permis, hein, comme qu'est-ce qu'il nous a donné comme permission, hein, comme rukhsa, de la même manière qu'il déteste ce que, yani, quand on fait qu'est-ce qu'il nous a interdit de faire. Et ça a été yani, mentionné authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi. C'est vrai. Si quelqu'un est en voyage, prier en groupe, ce n'est pas obligatoire pour lui. Prier à la mosquée, ce n'est pas une obligation pour lui. Parce que c'est un voyageur. Oui, s'il le fait, c'est bien. C'est comme tu dis, c'est recommandé de le faire quand même. Hein? Non. C'est-à-dire que les prières qui ont 4 rakat, il va les faire en 2 rakat au lieu de 4. Exactement. Oui, exact. En arabe, on dit ar-ruba'iyya. Ar-ruba'iyya, ça veut dire les prières qui ont 4 rakat. Arba, on dit arba, arba ça veut dire 4, et ruba'i ça veut dire celles qui ont 4 rak'at. Non. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, le cheikh, il dit ensuite, il dit que, de même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il détestait qu'on ressemble aux gens du livre. Dans ses fardeaux et dans ses jougs, hein, qu'ils se sont mis sur eux-mêmes. Parce que les juifs et les chrétiens, et en particulier, hein, dans ça, les chrétiens, c'est des gens vraiment extrémistes dans la religion. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, hein, il va le mentionner. C'est des gens, yani, vraiment extrémistes, les chrétiens. Et beaucoup de l'attitude des gens aujourd'hui qui sont des ennemis de la religion, ils détestent la religion, soit que ce sont des athées ou des laïcs ou des choses de ce genre, c'est des gens qui sont devenus comme ça à cause des extrémismes de la religion chrétienne. Parce que les chrétiens, ils ont rendu la vie des gens très très dure, très difficile. Et les chrétiens n'étaient plus capables de supporter les difficultés que l'Église leur a données dans leur religion. Hein? Subhanallah. Déjà, la religion chrétienne, juste pour vous donner quelques exemples, ça c'est un exemple, mais moi je parle pas des prêtres, je parle des gens parmi les chrétiens. Vous savez que les chrétiens, ils n'ont pas le droit de se divorcer. Hein? Les chrétiens n'ont pas le droit de se divorcer. Donc, s'ils étaient mariés avec une femme, ou une femme mariée avec un homme, et qu'il y avait vraiment des problèmes, eh bien, ils étaient forcés de rester avec une personne qui était vraiment pas bonne, hein, même si elle était dans une situation très difficile avec cette personne, eh bien, il n'y avait pas de moyen de se détacher de cette personne-là. Donc ça, c'était un problème. Et ça a causé des gros ennuis, des gros problèmes. Imaginez même, il y a des rois qui ne pouvaient pas se divorcer à cause de l'Église catholique. Eh bien, ça a créé des situations très, très, très dures par la suite. Regardez le roi d'Angleterre, un des rois d'Angleterre qui voulait se divorcer, puis l'Église a refusé, ils se sont séparés de l'Église catholique à cause de ça. Ça, c'est devenu une division, hein? Oui, une scission avec l'Église catholique. C'est ça qui a créé l'Église anglicane, hein? Donc ça, c'est juste un exemple. Bon, après, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas, peut-être que les gens ne sont pas au courant aussi, mais l'Église catholique interdisait qu'un homme ait des rapports intimes avec sa femme pour autre raison que pour avoir un enfant. C'est dans le sens que si, par exemple, quelqu'un il n'avait pas l'intention d'avoir un enfant en ayant un rapport sexuel avec sa femme, eh bien, il commettait un péché. Il commettait un péché. Et il devait aller se confesser au prêtre pour dire au prêtre dans la confesse, j'ai commis un péché parce que j'ai eu un rapport conjugal avec ma femme et j'avais pas l'intention d'avoir un enfant. Et donc, il avait désobéi à Allah. Il pensait qu'ils avaient fait un péché en faisant ça. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Subhanallah, les moines dans les monastères qui vivaient enfermés dans la prière, dans le jeûne. Hein. Ils vont dans des endroits isolés, dans des montagnes ou dans des forêts ou dans des endroits où il n'y a rien. Et ils vivent là-bas. Ils disent, je vais juste prier tout le temps. Et des fois, même, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se frappaient, hein, avec des fouettes, eux-mêmes. Parce qu'ils disent, ma chair, elle me pousse à faire des péchés, donc je la flagelle, je la punis pour me purifier d'avoir eu des tentations ou des désirs. Déjà, ils se forcent à faire quelque chose contre nature. Puisque Allah, il n'a pas interdit à un homme d'avoir une femme et d'assouvir ses désirs avec elle et qu'elle aussi assouvit ses désirs avec lui. Ça, c'est halal, on est des êtres humains. Mais eux, ils ont poussé les hommes à ça, à s'abstenir de ça, et à cause de ça, ça a créé des déséquilibres par la suite. Tu vois que des femmes deviennent des religieuses, elles s'enferment dans des cloîtres, hein, dans des couvents et dans des monastères, les femmes, elles n'ont pas de mari, elles commencent à faire toutes sortes de choses graves. Et les hommes, la même chose, ils s'enferment dans des endroits, hein, isolés, ils pensent qu'ils sont là juste pour adorer Allah, hein, pas avoir aucune interaction avec les autres êtres humains. Et bien, le résultat, c'est toutes les trucs que vous avez vus. Il y en a qui font des grèves vœux de silence. C'est-à-dire, ils font un vœu de silence. Ça veut dire, ils ont donné un vœu à Dieu qu'ils vont jamais parler avec personne. Donc, eux, ils sont là comme ça, ils parlent jamais. Hein? Wa'alaykum salam. Les prêtres, ils font le vœu de chasteté. Ça fait le vœu de chasteté, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais se marier. Et plein d'autres exemples comme ça, tu dis, mais c'est quoi cette religion, même? C'est quoi ça? C'est al-hada rouleau. Naam. Ça, c'est de l'extrémisme, sans même parler de l'extrémisme dans les croyances. Donc, c'est ça les exemples de joug, et de dureté, des exagérations. Alors, il y en a parmi eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, c'est pas mutilé. Le mot là, c'est quoi? C'est il se faisait castrer. Non, comme les animaux, ils se font castrer pour pas qu'ils aient des désirs sexuels. Ils se castraient eux-mêmes, c'est-à-dire ils se font enlever les testicules, yani, pour que ils ressentent pas de désir, pour pas avoir envie d'avoir des relations avec une femme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit des sahaba, quand il y a des sahaba qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, oh messager d'Allah, nous on voudrait faire ça. On voudrait se castrer, ou bien pour qu'on n'a plus le désir et des choses comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, il n'y a pas de monachisme en islam. Il n'y a pas de rahbaniya, il n'y a pas de ruhban. Il n'y a pas de moines, de monastères, des choses comme ça. Ça, il n'y en a pas dans l'islam. Donc, il les a réfutés là-dessus. Tout de suite, il a clarifié la chose. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites le suhur. Un suhur, c'est quoi? C'est quand, par exemple, tu fais ton jeûne, avant le lever du soleil, tu te lèves pour prendre quelque chose, pour manger quelque chose. Pourquoi? Pour préparer ton corps, pour avoir une subsistance, pour avoir une force. Tu ne vas pas jeûner comme ça sans arrêt, sans cesse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'est-ce qu'on appelle al-muwasala, c'est-à-dire de jeûner un jeûne continu, sans arrêt. C'est-à-dire de jeûner le jour et la nuit sans s'arrêter. Donc il a dit, dans un des exemples, il a dit de, les juifs et les chrétiens, ils ne font pas de suhur. Les gens du livre ne font pas de suhur. Alors ne faites pas comme eux, contredisez-le, contredisez ce qu'ils font et distinguez-vous d'eux en prenant le suhur. Et il a dit de retarder le suhur et de dépêcher l'iftar. Le briser le jeûne rapidement et le suhur, le repas du matin, de le retarder, de pas le faire trop tôt. Oui, c'est ça. Oui, le al-wisal, le jeûne de pas briser le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait le droit de le faire. Mais il a interdit à la umma et à la umma de le faire. Naam. Et il dit wa qala fi ma ya'ibu ahl al-kitabayn wa yuhadhdhir muwafaqatihim fa tilka baqayahum fi as-sawami'. Il les a blâmés, yani. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Les gens des deux livres, et il nous a mis en garde de ne pas leur ressembler dans leur monastère ou dans leur synagogue ou dans qu'est-ce qu'ils font. Et ça, il dit, le cheikh, il dit ça, c'est un chapitre, il y a plein d'exemples là-dessus, on pourrait donner plein d'exemples aussi sur ça. C'est ça, la rahbaniyata fil islam. La rahbaniyata fil islam. Donc les moines là, c'est comme ça, ils jeûnaient. Aujourd'hui, il n'y en a pas autant qu'avant. Vous savez, il y a plein de couvents et des monastères ici au Québec qui existaient à l'époque. Même il y en a à Montréal, il y en avait à Montréal même, qui sont fermés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de religieuses. Ben ouais, elles sont devenues toutes vieilles la plupart. Des fois même, ils étaient obligés de faire venir des religieuses de l'Amérique du Sud et d'autres pays, parce que là-bas, c'est encore, il y a encore plus d'attachement à la religion, tandis que ici les gens sont complètement détachés, donc il n'y a plus de relève. Il n'y a plus de relève de jeunesse qui veulent être religieuses. À l'époque, c'était comme ça. Les jeunes filles, à l'époque, c'est comme si elles n'étaient pas assez jolies pour se marier, ou bien qu'elles n'avaient pas, n'avaient pas d'argent, ou des choses comme ça. Donc, pour éviter de tomber dans la vie de péché ou des trucs, elles préféraient devenir religieuses. Donc c'est ça. Allah al-musta'an. Le cheikh il dit ensuite: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى قوله أولئك حزب الله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن من بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a énuméré beaucoup de versets. Verset 51 dans Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, il devient un des leurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset 14, dans Surat al-Mujadala: n'as-tu pas vu ceux qui prennent pour alliés un peuple, yani que Allah est en colère contre eux? Ils ne sont pas de vous, ni de eux. Ils ne sont pas de vous, c'est-à-dire des croyants, ni de eux, c'est-à-dire ni des mouchriquins, ni des juifs. Il parle de ce verset-là est à propos des juifs dans Surat al-Mujadala. C'est-à-dire, il dit: n'avez-vous pas vu, un peuple, Allah est en colère avec eux, ou bien un peuple qui a pris pour allié, que Allah est en colère contre eux, c'est-à-dire les juifs. Ils ne sont pas d'eux, c'est-à-dire ils ne sont pas des mouchriquins, ils ne sont pas de vous, ils ne sont pas des croyants. Donc, ça c'est un exemple. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est l'exemple, je pense, quand les mouchriquins sont allés voir les juifs, ils ont demandé aux juifs qui est meilleur, les musulmans ou nous les mouchriquins. Ils ont dit: nous les mouchriquins ou bien les musulmans qui sont meilleurs. Alors les juifs, comme ils sont menteurs, ils ont dit: vous les mouchriquins, vous êtes mieux que les musulmans. Tu vois, subhanallah. Alors que les musulmans, ils croient en Allah, ils croient en ses messagers, ils croient en les livres, et ils ont plein de règles et de principes de la religion des prophètes, même des prophètes qui sont venus pour les juifs, à la base, qui sont venus pour Bani Israël, on le reconnaît. Tandis que les mouchriquins, ils adorent des idoles. Ils brisent le premier des commandements de Dieu. Et quand les mouchriquins demandent aux juifs: c'est qui est-ce qui est meilleur, les musulmans ou vous les mouchriquins? Ils disent: vous les mouchriquins, vous êtes meilleurs que les musulmans. Un faux témoignage. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils font serment du mensonge alors qu'ils savent. Alors il dit: ils ne sont pas de vous ni de eux. ne sont pas des croyants ni ne sont pas des mushrikin. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ici les munafiqin qui prennent pour alliés les juifs, aussi qui prennent pour alliés les juifs, parmi les munafiqin aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans un autre verset que Cheikh l'Islam il n'a pas mentionné ici, « Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab » Ça veut dire, n'avez-vous pas vu ceux qui ont agi avec hypocrisie, qui ont eu du nifaq, qui disent à leurs frères parmi les gens qui ont mécru, parmi les gens du livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens du livre les frères, hein, les frères des hypocrites. Hein? Donc si vous entendez un musulman qui vous dit, comme le fait Al-Qardawi et d'autres, que les gens, les juifs et les chrétiens sont ses frères, eh bien vous avez déjà la réponse dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitab. Donc ça c'est les frères des hypocrites, c'est des munafiqoun qui prennent les juifs et les chrétiens pour, mais ça c'est, je l'ai entendu aussi, je me rappelle. Non mais ça c'est les ikhwan, ça qui al-khawan. Exactement. Donc, ensuite, il dit un autre, il mentionne un autre verset. Il dit, tu ne trouveras pas un peuple hein, qui croit en Allah et au jour dernier, puis en même temps, ils aiment ceux qui opposent Allah et son messager. Même si c'était leur père qui oppose Allah et son messager, même si c'était leur fils, même si c'était leur frère, même si c'était leur famille ou leur tribu, ils vont pas aimer ceux qui opposent Allah et son messager. Et il mentionne un autre verset également, c'est le verset 72 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont cru et qui ont émigré, qui ont lutté avec leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah, et qui ont défendu et accueilli le messager, ceux-là, ils sont alliés les uns des autres. Hein? Et il dit, ceux qui ont mécru, ils sont alliés les uns des autres. Donc ceux qui ont cru sont alliés les uns des autres, et ceux qui ont mécru sont alliés les uns des autres. Et il dit, et ceux qui ont cru et qui ont lutté, qui ont fait la hijra, qui ont émigré, qui ont lutté, qui ont fait le jihad avec vous, hein, ceux-là sont de vous. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a établi l'amour et l'alliance entre les muhajirin et les ansar, et entre tous ceux qui ont cru après eux, et qui ont fait la hijra, et qui ont lutté jusqu'au jour du jugement dernier. Ils sont tous des alliés et des frères. Le cheikh il dit ensuite, wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu, wal jihad baqin ila yawm al qiyamah. Donc le cheikh il dit, le muhajir, c'est qui le muhajir? C'est celui qui a fait la hijra. Hein? Mais c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée? C'est celui qui s'est écarté de ce que Allah a interdit. Donc, si tu veux être un muhajir, tu dois t'écarter de ce que Allah t'a interdit. Hein? Il y a beaucoup de gens, ils vont faire la hijra, puis ils vont continuer à faire ce que Allah leur a interdit, même dans les pays musulmans. Donc, ça, c'est pas des vrais muhajirin. Le vrai muhajir, c'est pas juste de quitter les pays des kuffars pour aller dans les pays musulmans. C'est aussi également et fondamentalement de t'écarter de ce que Allah t'a interdit. Et le jihad, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah, ça c'est quelque chose qui va rester toujours valable jusqu'à la fin des temps. Et en passant, en ce moment, alhamdoulilah, on a un exemple de jihad islamique et shar'i qui respecte les conditions de la charia, qui est en train de se produire actuellement, l'Arabie Saoudite et la coalition des pays musulmans, qui sont avec derrière leurs dirigeants et qui sont en train de combattre contre les Houthiyin au Yémen. Hein? Donc ça c'est un djihad shar'i, parce que c'est fait avec le dirigeant et avec les armées du dirigeant dans les pays des musulmans. Donc, ils combattent contre un ennemi commun, les Houthiyin. Donc, ça c'est un exemple de djihad. Donc là, hein? c'est des rafida, des chiites rafida. Donc il faisait beaucoup de désordre, il faisait beaucoup de problèmes, il tuait beaucoup de musulmans et il ne voulait pas arrêter. Et donc là maintenant, le roi de l'Arabie Saoudite, avec les autres princes et les rois du Koweït, je pense les Émirats et d'autres pays, Égypte et Soudan et même le Maroc, en tout cas la Turquie, plein de pays se sont tous mis ensemble pour collaborer pour attaquer et écraser cet ennemi. Donc ça c'est un exemple de djihad charaï. Hein? Donc ceux qui parmi les takfirines et les khawarij, ils disent ah vous les musulmans salafis vous croyez pas au djihad. Non, on croit au djihad, mais pas n'importe quel. Le djihad qui est fait selon le Coran et la Sunna avec les conditions de l'islam et les conditions que les ulama nous ont mentionnées, comme les salafs ont respecté. Mais pas le djihad que vous faites, qui est le terrorisme, et de faire tuer des innocents, puis de répandre le sang, puis de faire de l'injustice sur la terre. Ça, c'est pas le djihad, ça. Ça, c'est du désordre. Non, c'est-à-dire, non. Le vrai muhajir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-muhajir, man hajara ma naha Allahu anhu. C'est-à-dire, celui qui s'écarte de ce que Allah lui a interdit. C'est le muhajir. C'est la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée du muhajir. Donc, si tu veux être un vrai muhajir, tu dois t'écarter des péchés. Tu dois t'écarter des péchés. Est-ce que tu peux t'écarter des péchés si tu vis en plein milieu de chez les koufars? Non, tu ne peux pas. Parce que dans le pays des koufars, tu ne peux pas t'écarter de ce que Allah t'interdit. Mais tu peux t'écarter de certaines choses. Mais les choses sont toujours proches de toi. Hein? Oui. Toi, tu t'en écartes, mais elle ne s'écarte pas de toi. Dans le sens que tu traverses la rue, il y a un bar, il y a de l'alcool, il y a des choses haram, il y a des choses interdites partout autour de toi, et c'est légal et c'est ouvert. Tandis que dans les pays musulmans, c'est pas comme ça. Hein, même si dans certains pays musulmans tu vas trouver des choses haram, mais c'est pas au même degré, au même niveau que qu'est-ce que tu vas trouver dans les pays non musulmans. Non, à Québec c'est vrai, c'est plus ancien. Moi quand je suis allé à Québec, pour la première fois je suis allé, je pense ça fait deux ans, je suis allé à Québec et j'ai eu l'impression que j'étais à Montréal 20 ans en arrière. Ouais, parce que je me rappelle quand j'étais petit, pas 20 ans même, peut-être 30 ans en arrière. Parce que Québec c'est plus, plus conservateur comme tu dis, oui. Non, c'est ridicule, yani, subhanallah. Vous savez, il y a une époque ici au Québec, même à Montréal, non, on ne parle pas de ça, même un homme et une femme ne pouvaient pas s'embrasser en public à Montréal. À une époque, non, ça se faisait pas. Donc c'est pour dire, les gens, les mœurs, leurs mœurs, ils ont vraiment changé, tu vois. Oui, oui. Donc là maintenant, les hommes et les femmes, comme un homme et une femme qui s'embrassent devant tout le monde, à l'époque c'était mal vu. C'était pas des gens bien élevés qui agissaient comme ça. Mais aujourd'hui, là, les gens, ils ont dit. Hein, c'est pour ça que tu vois l'argument des gens au début qui disaient ce que deux personnes veulent faire en privé dans leur chambre à coucher, ça c'est leur problème. Au début ils disaient ça à propos des homosexuels. Ils disaient, ça c'est leur problème, ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent en privé. Mais après c'est devenu pas seulement en privé, parce qu'ils veulent maintenant le montrer. Avant, un homme et une femme, un homme, il ne va pas embrasser sa femme devant les gens dans la rue. Mais après, ils ont dit oui. Maintenant, c'est la liberté, on peut s'embrasser devant tout le monde, ça ne dérange pas. Maintenant, les homosexuels, ils ont dit, nous aussi, on veut faire la même chose que les hétérosexuels qui s'embrassent dans la rue. Si eux, ils ont le droit, nous aussi, on est égaux. Et donc, on a les mêmes droits que eux. Alors là, qu'est-ce qu'on faisait dans la chambre à coucher? Maintenant, on le fait devant tout le monde. Et puisque ceux qui sont hétérosexuels, qui sont dévergondés, qui n'ont pas de honte et de gêne, ils le font devant tout le monde, donc les dévergondés, et sans gêne aussi parmi les homosexuels, ben ils veulent le faire aussi devant tout le monde, hein, Allah musta'an. Oui, il y en a peut-être, mais de toute façon, tout ça c'est clair pour nous les musulmans que ça c'est des choses haram, il n'y a pas de doute. Maintenant, aujourd'hui, c'est rendu à un tel point que tu es obligé d'être d'accord avec ça, sinon ils veulent t'interdire de vivre. Hein? Si t'es pas d'accord avec eux, hein, eh bien, ils te considèrent comme si presque comme si on dirait presque ils voudraient te tuer. Hein, si t'es... Oui, comme si t'es pas d'accord. Si toi tu dis moi je suis contre l'homosexualité, ils te prennent comme si t'étais un extrémiste. Yani. Alors que on a bien le droit d'être contre ça puisque c'est contraire à qu'est-ce que Allah a permis. Mais cette truc là de valeur, ils le font pas. Si ils le font, les trucs des valeurs comme tu dis là, ils le font pas signer à ceux qui sont nés au Québec. Oui. Mais il y a plein de gens qui sont nés ici qui ne sont pas d'accord avec ça et qui ne signent pas ça. Donc pourquoi le faire signer à ceux qui arrivent? C'est ridicule, franchement. En tout cas. Mais en fait, tu peux, mais à tes conséquences, bien entendu. Si tu le fais, c'est sûr que tu dois t'attendre à des conséquences. Hein? Comme le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il a dit, وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ. Donc si tu veux faire la da'wa, il faut que tu sois patient s'il y a des difficultés. Si tu vas faire la da'wa, mais tu dis non, je ne veux pas de difficultés, là, ça veut dire, franchement, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux dans ta da'wa. Parce que si tu dis, tu vas faire la da'wa, puis que tu ne veux pas des conséquences, tu ne veux pas des difficultés, est-ce qu'il y a un prophète qui a appelé à Allah, puis qu'il n'a pas eu des difficultés? Non. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc c'est le devoir du musulman de condamner ce qui est haram, de condamner ce qui est mauvais, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et avec sagesse, avec science, et quand il a des difficultés ou des épreuves, à cause de ça, il doit faire preuve de patience et d'endurance. Et donc, c'est pour ça. Donc, par exemple, nous, dans l'islam, on sait que, par exemple, ces choses-là, entre deux hommes, sont interdites. Les relations sexuelles entre deux hommes, ça c'est haram. Et que ce soit deux hommes ou deux femmes, c'est haram. Et dans les deux cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du peuple de Lot dans le Coran. Et il a mentionné la malédiction qui est tombée sur eux, comment il les a punis, comment il les a anéantis à cause de ça. Et donc c'est interdit. Et d'avoir des relations sexuelles, même un homme avec une femme, il n'a pas le... Non, pas juste hors mariage, même dans le mariage, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec ta femme par l'anus. Hein? Tu ne peux pas sodomiser ta femme, tu n'as pas le droit de... Hein? Ça c'est haram. Donc imaginez, si c'est interdit qu'un homme avec son épouse légitime, il ait des rapports sexuels par l'anus, ça c'est interdit. Alors imaginez un homme avec un homme qui fait ça. A'udhoubillah. Les ulama, ils ont appelé l'homme qui sodomise sa femme, ils l'ont dit, ça c'est la petite homosexualité. Donc imagine. Hein? Celui qui va faire ça avec un autre homme, a'udhu billah. Et y a une chose aussi, je pense qu'il faut faire une nuance. Il y a des hommes qui vont faire ça avec des hommes qui ne sont pas nécessairement homosexuels. C'est-à-dire, comme par exemple, qu'est-ce qu'on entend souvent, des gens qui sont dans les prisons, ils font ça. Ou bien des jeunes qui font des choses comme ça, en tout cas. Ils n'ont pas une attirance sexuelle spécifiquement pour des hommes. Mais c'est parce qu'ils ont une shahwa ou un désir, ils veulent assouvir ce désir-là, ils prennent qu'est-ce qu'ils trouvent. Hein? Donc, s'ils voient une femme, ils font avec la femme. S'ils trouvent un homme, ils vont faire avec un homme. Mais ça, c'est haram. dans l'islam. Mais ici, c'est devenu pire que ça. Parce que ici, ils sont en train de dire maintenant, quelqu'un peut être homosexuel dans le sens que il déclare ouvertement qu'il a des attirances sexuelles envers un autre homme et qu'il croit que c'est permis de faire ça. Et de, même de se marier en plus. Hein? Donc ça c'est encore plus interdit. Ouais, ben ça c'est une autre chose. Donc c'est pour dire que quelqu'un, parce que des fois il y a des gens qui mélangent entre une personne qui est efféminée et un homosexuel. Parce que, ouais, à l'époque du prophète, il y a ceux qu'on appelait al-mukhannathin. Al-mukhannath. Al-mukhannath, c'est quoi? C'est celui qui est efféminé. C'est-à-dire, c'est un homme, mais il agit comme une femme. Il parle comme une femme. Il a les manières comme une femme. Ça, c'est al-mukhannath. Mais il n'était pas pour autant homosexuel. C'est-à-dire, il n'allait pas aller avec des hommes. Ouais, c'est comme si il a des manières efféminées. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit ces gens-là. Il a dit, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les sahabes ont dit, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-mukhannithina min al-rijal, wal-mutarrajilat min al-nisa. Il a maudit, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes efféminés et les femmes qui agissent comme des hommes. Il les a maudits. Et il a maudit les hommes qui s'habillent en femmes et les femmes qui s'habillent en hommes. Malgré qu'on ne parle pas d'homosexualité dans le sens qu'ils vont faire des choses sexuelles entre eux. Non. Juste le fait d'agir comme ça. L'habillement et l'agissement. Hein? Sans même faire d'acte de comme l'autre. Mais il y a des hommes qui sont aussi apparence virile, mais qui sont homosexuels aussi. Donc, il y a des gens qui agissent. Il y a un homme, il agit pas comme une femme, il agit comme un homme, mais il est homosexuel. Ou bien il fait de la sodomie avec d'autres hommes. Ça, c'est haram. Dans tous les cas, c'est haram. Donc, c'est pour ça que pour nous dans l'islam, ces choses-là, c'est clair. Et c'est interdit. Et dans la charia d'Allah, il y a une punition dans les pays musulmans, hein, dans les pays où on applique la loi islamique. Si on trouve un homme qui fait ça, il a cette désir. Si l'homme, on va dire un homme, il a ce désir dans son cœur, c'est une maladie ça. Hein, c'est un problème qu'il a dans son cœur, des passions, des désirs illicites. Il a ce désir-là, il a envie de le faire, mais il ne le fait pas. Et il se retient parce qu'il craint Allah. Parce qu'il aime Allah, parce qu'il craint Allah, il dit non. Allah, il m'a interdit, moi je ne le fais pas. Même si j'ai ça dans mon cœur, des désirs malades comme ça, je ne le fais pas. Celui-là, il n'est pas puni. Hein? Et il demande pardon à Allah, il fait des doigts à Allah. Allah peut le guérir de ça. Mais celui qui a ce désir, cette tentation, et qu'il se soumet à ça, et qu'il fait ses péchés, ce péché-là, lui, si on l'attrape, hein? Dans la charia d'Allah, il va être jugé, et si on a reconnu qu'il est coupable d'avoir commis ce péché-là, il sera exécuté. Il aura la peine de mort dans l'islam, oui. La même manière qu'un homme qui fait un acte sexuel avec une femme, mais que ce n'est pas sa femme, lui aussi, il va être puni. Hein? S'il n'est pas marié, et qu'elle n'est pas mariée, ils ont un rapport sexuel ensemble, disons qu'ils étaient tous les deux vierges, ils auront des coups de fouet. Ça, c'est la charia. Mais par contre, si c'était des gens qui étaient mariés et qui ont des rapports en dehors du mariage, là, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Donc, c'est la peine de mort dans l'islam pour avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Dans l'islam, la punition, c'est la peine de mort par lapidation. Non. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans l'islam, c'est pas juste, hein, c'est pas juste l'homosexualité qui est punie. Même des rapports sexuels en dehors du mariage, même si c'est entre un homme et une femme, ça aussi c'est puni par la mort. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui est incorrect? C'est toute personne qui veut avoir des rapports sexuels autre de, dans qu'est-ce qui est halal. Donc, qu'est-ce que Allah a permis? Hein? Donc, si quelqu'un qui a des rapports sexuels avec sa, avec des gens de sa famille, des femmes de sa famille, comme sa mère ou sa sœur, des choses comme ça, ça c'est de l'inceste, c'est encore plus pire, c'est encore plus grave comme péché. Que celui qui fait le zina avec sa mère ou sa sœur ou avec des gens de ses proches, c'est plus grave que s'il le fait avec une femme étrangère dans la rue. Hein? Mais dans le, il y a, par exemple, dans les idées des koufars pour eux, du moment que quelqu'un il aime une autre personne, hein, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Il y a même un kafir dans, une fois qui a dit dans une émission de télé, il a dit à notre époque, étant donné qu'on ne se marie plus pour avoir des enfants, je pense que l'inceste devait être aussi légal. Donc ça c'est pour vous dire que ces gens-là, hein, ils suivent uniquement leur passion, puis ils sont en train de devenir comme des animaux. Hein, pire que des animaux même. Puis, si eux, ils ne sont pas d'accord avec ça, hein, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Ben, est-ce que nous, on devrait faire des, comme si dire, mais c'est pas grave, on va abandonner nos principes religieux islamiques pour vous faire plaisir parce qu'on ne veut pas que vous soyez fâchés ou pas contents de nous. Au contraire, c'est eux qui doivent changer leur position et c'est eux qui doivent accepter la foi en Allah et qui doivent revenir de leur mode de vie qui est corrompu. Et non l'inverse. Hein, on va pas mettre les choses à l'envers. Mais là, ils disent, mais écoute, là, on est en l'an 2015, donc il faut évoluer, là. Hein? Les mentalités, ça doit changer. Changer pour quoi? Changer pour le mal ou changer pour le mieux? Hein? Donc, eux, c'est parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on était en 1985. Les gens disent, aujourd'hui, on est en 1985 et tu penses encore comme ça? Et à chaque année, ils continuent à dire ça, tu vois. Jusqu'à l'heure, maintenant, on est en 2015. Qu'est-ce que des gens, en 1985, il y a des choses, les gens, ils osaient jamais faire. Aujourd'hui, ils les font. Pourquoi? Parce que les gens deviennent de plus en plus corrompus à force de voir, justement, que les gens se permettent de plus en plus de faire des choses mauvaises. Hein? Et ça, c'est devenu maintenant la mode de pensée et le mode de vie des koufars. Ils ont l'idée qu'à mesure qu'on avance dans le temps, il faut s'éloigner du passé. Et tout ce qui était dans le passé, pour eux, est mauvais. Et qu'est-ce qui est bon, c'est qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qu'on a changé. Donc, pour nous, les musulmans, c'est le contraire. Plus on recule jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple de notre prophète, ça c'est qu'est-ce qui est le mieux. Et à mesure qu'on avance dans le temps, on s'éloigne de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on devient pire. Donc notre conception même du temps et de l'évolution et des choses est complètement inversée par rapport à la vision de qu'est-ce que les koufars pensent et qu'est-ce que les koufars ont comme vision. Et ça a un rapport direct avec justement le cours qu'on fait aujourd'hui, le sujet du livre même, puisqu'on n'a pas le droit d'imiter les koufars, même dans leur façon de penser à propos de la vie, à propos des choses de la vie de tous les jours, et la façon de vivre, la façon de penser. Donc tout ça, c'est un rapport. Donc je pense que... Non, on est tous touchés par ces choses-là. Et là, moi, non, mais il faut se libérer de ces conceptions-là. Et moi, je me rappelle que j'ai grandi dans ce pays ici, dans les écoles ici, j'ai subi donc toutes sortes d'idées, toutes sortes de principes qu'on a essayé de m'inculquer depuis que je suis tout petit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé de ces égarements-là. Hein? Et donc, je me rappelle, il y en a parfois, je me rappelle, j'étais dans une classe une fois, c'était un cours qui s'appelait formation personnelle et sociale ou quelque chose comme ça. FPS, on appelait ça FPS. T'as pas eu des cours de FPS? Non? En tout cas, peut-être c'est une autre génération. En tout cas, subhanallah, quand j'ai dit dans la classe, j'ai dit, quand ils nous ont parlé de l'homosexualité ou des homosexuels, j'ai dit ça c'est pas normal ces choses là je vous jure, toute la classe était contre moi. J'étais le seul dans la classe qui était contre, ou peut-être que j'étais pas le seul, mais j'étais le seul à oser le dire. Mais parce que ici c'est comme ça, les gens ils ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent ouvertement, parce qu'ils savent que s'il y a une opinion qui est plus à la mode ou une façon de penser qui est plus populaire, eux ils veulent pas être exclus, alors ils vont dire la même chose que tout le monde ou ils vont se taire. Pourquoi? Parce que ils veulent disons se faire accepter du groupe. Mais si tu oses faire disons faire affront et t'imposer ton point de vue, ton opinion contraire à la majorité ou à la plupart des gens qui sont autour de toi dans la société québécoise, les gens vont toujours te détester, te repousser. Mais à la fin ils peuvent te détester, mais ça change quoi? À moins que tu sois une personne conformiste qui recherche l'approbation des autres pour être en sécurité avec elle-même, une faible personnalité, un manque de courage, hein? Naam. Donc non, le musulman il doit pas être comme ça. Le musulman il doit pas être comme ça. Le musulman il doit être fier de sa position, fier de qui il est, prendre sa position, dire la vérité, défendre la vérité, même si ça déplaît à la terre entière. Hein? Dis-toi ça tout le temps. Même si toute la terre entière était pour le shirk, toi tu devais dire non. Hein? Même si la terre entière était pour le kufr, tu dois dire non. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose ou est d'accord avec quelque chose, ça veut dire moi aussi je suis obligé d'être d'accord avec ça. Donc ça là, je vous dis, beaucoup de jeunes musulmans, leurs parents leur ont pas donné cette éducation-là islamique. Ils connaissent pas ces choses-là. Et donc ils ont une éducation, surtout ceux qui viennent là, s'installer ici, sont vraiment ces musulmans qui viennent ici, c'est des musulmans, souvent c'est des musulmans très faibles dans leur foi, dans leur niveau de science, dans leur compréhension, dans leur pratique. Et donc ils baissent la tête. Ils baissent la tête devant tout ce que les koufars leur imposent. Et là, quand on est de plus en plus nombreux, là, c'est là qu'ils commencent à mettre de plus en plus de pression pour, hein, comme quand tu veux dompter un chien, là, ou un animal, hein, tu le frappes plus dur, là, pour qu'il t'écoute. C'est comme ça qu'ils font avec les musulmans maintenant. Ils voient qu'on est plus nombreux, là, ils disent, ah, les musulmans, on veut pas qu'ils se lèvent la tête, donc on va les frapper dur. Hein, pour qu'ils cessent de vouloir appliquer la religion, parce que eux dans leur tête c'est tout ce qu'ils ont ramené comme laïcité, droit de l'homme, égalité, liberté, tout ça c'était uniquement contre la religion. Donc étant donné que tout ça c'était contre la religion, de voir des gens maintenant venir et vouloir pratiquer la religion, c'est en contradiction avec tout, tu vois, parce que leur société se dirige vers une direction. La société se dirige vers la société où on a éliminé la religion complètement, où on a éliminé Dieu. La religion compte plus. C'est un accessoire, une chose secondaire qui a aucune importance dans la société, qui a aucune importance dans la réalité de la vie de tous les jours de la majorité des habitants. Donc toi, tu viens ici et tu commences à vivre selon ta religion et tu veux pratiquer ça? C'est pas accepté. Moi, j'étais choqué parce que ici, on a encore quand même une certaine liberté. Puis on l'apprend, alhamdoulilah, en tout cas, ceux qui veulent l'apprennent. Mais sinon, quand je parle avec ma femme, elle vient de la France, subhanallah, des choses qu'elle me dit. Elle me dit, en France, là, dans les universités, c'est impossible, tu trouves un musulman avec un qamis qui rentre dans l'université pour étudier. Impossible. Et pourtant, ils ne l'ont pas interdit, d'après ce que je sais. Moi, ce n'est pas interdit. Mais il dit, toi, tu vas à l'université en qamis. Il dit, chez nous, tu ne peux pas faire ça. Il dit, même aller à l'école en qamis ou avec la barbe, le qamis comme ça, ils vont pas accepter. Même le voile, maintenant ils l'ont interdit à l'école, même avant que ce soit interdit, hein, c'était un problème. Donc c'est pour dire, à un moment donné, oui, il voulait même que les femmes, elles ne doivent pas venir voiler ou avec le visage couvert si elles viennent chercher leurs enfants. Mais c'est parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là, ils ont créé un système politique et un système social qui est en réalité établi pour remplacer la religion. Donc, en fait, ça, c'est un système. En fait, c'est pas juste un système comme ça, là. C'est une religion même, en réalité. Et ils acceptent pas qu'il y ait une autre religion dans ce système qui vient compétitionner ou faire, hein, disons, prendre une place dans ce système. C'est pas la laïcité, c'est le laïcisme. Mais non, c'est la laïcité, clairement. Même s'ils disent que c'est bon, il faut dire la vérité. Parce que, pour de vrai, quand tu regardes le slogan des koufars, comme j'en ai parlé au dernier cours, quand ils disent la liberté, la fraternité, l'égalité, liberté, égalité, fraternité, fraternité, ils veulent dire par là que tous les citoyens de ce pays doivent être des frères. Nous dans le Coran, Allah nous dit « Innama al-mu'minuna ikhwa ». Seulement les croyants sont des frères. Et les koufars ne sont pas nos frères. Hein? Il n'y a pas de fraternité ou de lien de fraternité entre un mu'min et un kafir. Et tu ne peux pas aimer, hein, comme Allah il le dit dans le Coran, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasoula ». Donc tu ne peux pas aimer celui qui oppose Allah et son messager, même si c'est ton père, ton frère ou ta mère ou ta famille. Donc il ne peut pas y avoir cette citoyenneté en islam. Cette notion de citoyenneté-là, elle est complètement opposée à la signification de Al-Wala ou Al-Bara en islam. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui faire du tort, tu ne vas pas lui faire une injustice, mais tu ne dois pas l'aimer. Tu vois? Parce que ce n'est pas un mu'min. Donc, ça, c'est des notions qui sont établies. Puis, en fait, quand tu regardes pourquoi, par exemple, les musulmans critiquent, par exemple, la franc-maçonnerie ou des idées comme ça, c'est la même chose. Les francs-maçons, ils disent entre eux qu'ils sont des frères. Hein? Et entre eux, ils s'appellent les frères maçons. Hein? Mais nous, on dit, la fraternité, c'est uniquement une fraternité si elle est basée sur l'islam. Si c'est quelque chose qui est basé sur autre que l'islam, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'avoir une fraternité avec des gens qui ne sont pas sur la foi. Donc, ça c'est pour dire que dans la religion musulmane, il ne peut pas y avoir cette notion-là de citoyenneté. Exactement. Frère en humanité, c'est qui? C'est ton frère de la même mère ou du même père ou bien d'un des deux. Ça c'est ton frère, c'est ta sœur. Mais tu vois un étranger, tu dis mon frère en humanité, c'est un kafir, tu dis mon frère en humanité, non. Hein? Mais parce que dans le Coran, Qardawi il avait cité justement un verset comme ça pour essayer de justifier. C'est quoi le verset? Akhahum wa ila madiana akhahum. Donc il les a appelés leurs frères. Donc il dit ça c'est la preuve. Non, leur frère, c'était leur vrai frère. Il y a des liens de sang. C'est pas des étrangers, là. Hein? Non, mais c'est pour dire, comment eux, ils déforment ils jouent avec les paroles d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, ils n'ont pas dit ça. C'est pas par rapport à l'injustice seulement. C'est qu'ils ont dit, du moment que tu es capable de montrer ta religion ouvertement et de pratiquer ta religion ouvertement. Les ulama, ils disent en arabe إذا كان عندك القدرة على إظهار الدين إذا كان عندك القدرة على إظهار الدين فحينئذ يجوز. يعني de venir pour étudier, de venir pour travailler ou bien pour faire du business, commerce ou te faire traiter, puis après tu retournes dans ton pays. Ça c'est permis, pas de rester de façon définitive. Les ulama ils ont dit mais si tu restes dans un pays où t'as pas la capacité de montrer ta religion, dans ce cas là si t'es capable de partir, c'est obligatoire pour toi de partir. Mais si t'es pas capable de partir, dans ce cas là t'es excusé. Excusé jusqu'à ce que tu aies la capacité de t'en aller. Tu vois? Bien entendu. Bien entendu. Oui, oui, oui, oui. Exactement. Al-Idhar al-Din, les ulama, ils ont dit, Idhar al-Din, montrer la religion, ça ne veut pas dire pouvoir faire la prière, pouvoir faire le jeûne, pouvoir... non, ce n'est pas ça, Idhar al-Din. Idhar al-Din, ça veut dire que tu peux dire aux kuffars, vous êtes des kuffars et vous êtes dans l'égarement. Et la religion de vérité, c'est l'islam. Et votre religion, c'est une religion de kufr et de shirk et d'égarement. C'est ça, Idhar al-Din. Et de, oui, et de pouvoir appeler ouvertement à la religion du tawhid. C'est ça, Idhar al-Din. Mais juste de pouvoir pratiquer ta religion, prier, jeûner, ça, c'est pas Idhar al-Din. Ça, c'est qu'est-ce que les ulama ont expliqué. Justement, c'est-à-dire que tu as la capacité et le droit de dire ouvertement que qu'est-ce qu'ils font qui est contraire à l'islam, c'est faux, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est rejeté. Oui, exactement. C'est ça, Izhar al-Din. Oui, il y a des pays où c'est pas possible, il y a des pays où c'est possible. Non, je crois pas. Non, ici c'est permis. Mais en France, c'est plus difficile. En France, là, c'est, ils ont interdit qu'est-ce qu'ils appellent le prosélytisme. Nous, on appelle ça la da'wa. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Oui. Oui, exactement. Ok. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.